On fait tous du show business, vous comme moi et moi comme vous. On fait tous du show business, dans la vie comme dans la rue. On fait tous du septième art, chacun dans son petit coin noir. On est tous des superstars, le matin dans notre miroir, le soir au fond d'un bar. On fait tous du show business, show business. On fait tous du show business, show business. Vous êtes tous des grands acteurs, vous êtes tous des grands athlètes. Mais quand on vous touche au cœur, vous êtes tous des marionnettes. On est toutes des femmes de tête. Mais quand on tombe amoureuse, on est toutes des filles de club. On est toutes des stripteaseuses. On se vole toute la vedette. On fait toutes du show business. Du show business, du moment qu'il y a du monde à messe. On met tout du vin dans notre eau. Serre-toi ta tête, serre-toi tes fesses. Fais-en assez, fais-en pas trop. Et la vie c'est juste du show business. Il faut tous faire. C'est là que tu vois ce que tu vaux. Et si ta cote est à la baisse, tu n'avais qu'à viser plus haut. On fait tous du show business, vous comme moi et moi comme vous. On fait tous du show business, dans notre lit comme dans la rue. On se bouscule et on se bagarre pour se faire une place dans l'histoire. Le monde est comme une grande gare où l'on part tous pour la gloire. On part tous pour la gloire. On fait tous du show business. On fait tous du show business. Être bien dans ta peau, pas besoin d'être ni fin ni beau. Tout ce qui compte c'est que tu sauves la face. Au fond, tout ce qui compte c'est que tu fasses.